peux fumer des joints sans pour autant me cacher des gens. Je veux aller loin sans me retourner, sans regretter. Elle si seulement on était blanc comme elle, qu'on avait rien à regretter dans notre passé. Elle si seulement on était blanc comme elle, qu'on avait rien à regretter dans notre passé. Voyager sans pour autant devoir payer. Je veux m'en aller sans me retourner, sans regretter. Et si seulement on était blanc comme elle, qu'on avait bien à regretter dans notre passé. Et si seulement être partout sans pour autant devoir y aller. Tout devient flou sans me déplacer à l'instant T. Et si seulement on était blanc comme elle, qu'on avait rien à regretter dans notre passé. Et si seulement maintenant, on est là.